Alors bonjour, nous sommes un samedi matin à La Parole Errante, plus exactement dans la MER, la maison des éditions et des revues, et plus précisément encore dans un studio radio qui vient tout juste de naître. Donc l'idée de ce lieu, c'est d'accueillir des projets radiophoniques, de permettre donc de s'asseoir autour d'une table, d'enregistrer à peu près dans de bonnes conditions des voix, des récits, des enquêtes, des écritures, mais aussi d'inscrire des traces avec les collectifs, les pratiques, les réalités, mais aussi l'actualité ou les questions qui traversent la parole errante. Et à l'occasion du séminaire La division politique qui se tient également ici, à la MER, et auquel vous participez, Patricia, Léna, Adrien, on voulait profiter de ta présence, Léna, pour parler d'un livre que vous venez de terminer avec Antoine, et qui s'appelle « Nous ne sommes pas seuls ». Alors je te laisse la parole errante. Alors, je te laisse la parole, Patricia, pour introduire cette rencontre. Oui, nous sommes là pour discuter d'un livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil, dans la collection Anthropocène, qui s'intitule « Nous ne sommes pas seuls ». Et nous avons le plaisir d'accueillir Léna Ballot et Antoine Chopeau, les auteurices, pour comme ça esquisser un petit peu les problématisations du livre, présenter quelques enjeux. Peut-être on pourrait commencer par quelques mots sur la manière dont vous êtes arrivés à écrire ce livre, une sorte de préhistoire du livre, au sens où on voit bien qu'il s'inscrit dans un contexte particulier. Et ça serait peut-être une manière de vous présenter par le prisme du livre lui-même. Eh bien, merci. On pourrait raconter de différentes manières la généalogie du livre. Avec Léna, ça fait un moment qu'on travaille, qu'on pense ensemble en différents collectifs. On a écrit ensemble par le passé déjà. Et je pense qu'on s'est retrouvés sur une espèce de difficulté à associer un héritage, qu'on va dire communiste, pensée et milieu révolutionnaire, etc., qui sont plutôt de l'ordre de comment on trouve des prises sur le présent en tant que le capitalisme, c'est la force qui configure un peu les relations majoritaires, quoi. Et entre cette dimension-là et un autre héritage ou une sensibilité, j'en sais rien. Je ne sais pas comment tu le dirais, Léna, plutôt qui touche la question de nos relations au milieu de vie, à ce qu'on appelle les non-humains, les êtres vivants, voilà, tout ce qu'on va mettre derrière les forêts, les sols, la planète en tant que telle, quoi. Et avec cette sensation que, par exemple, dans le mouvement climat qui était en train de naître en 2018, il me semble, il y avait en même temps cette réouverture de la politique à tout un tas d'éléments qui, normalement, ne sont pas de la politique, donc typiquement l'atmosphère, le climat, et dans les assemblées générales, avec cette envie de discuter au-delà de seulement du calendrier de la prochaine manif, de la prochaine AG. Finalement, on finissait par discuter de... Je me rappelle à Rennes, c'était un peu ça. C'était, voilà, le... c'est quoi le climat en fait? C'est quoi la différence avec les météos? Tout un tas d'éléments sur l'extinction des espèces, l'empathie qu'on pouvait avoir avec ces espèces. Finalement, dans une assemblée générale de lutte, il y avait plein d'éléments comme ça, un peu. Qui forçaient la porte de l'assemblée, quoi, qui n'était pas censée être là en tant que telle dans nos assemblées traditionnelles. Et puis, il y avait cette figure-là, un peu de. Mais Léna, tu diras peut-être autre chose, mais. D'une sorte d'anticapitalisme anthropocentré qui revenait très fort, qui disait de toute façon, on sait très bien qui est derrière tout ça, en fait. C'est le capital, et il n'y a rien d'autre que le capital à décrire derrière cette situation-là. Et moi, ça me chiffonnait un peu, parce que je trouve qu'il y avait. Il y avait une difficulté de la tradition, la perception anticapitaliste qui avait du mal à s'ouvrir justement à cette foultitude de nouveaux acteurs non humains qui étaient en train de changer un peu le sens de la politique, de notre agenda politique, quoi. Et le livre, finalement, c'est une tentative de synthèse, de mise en dialogue, de créer un espace commun de discussion entre cette sensibilité à la Terre et tous les nouveaux discours, les nouvelles recherches qui vont avec. Et puis, Et puis voilà, bah, l'idée qu'il ne faut pas céder non plus sur les forces sociales capitalistes qui organisent ce monde-là. Et voilà. Et peut-être on pourrait juste dire deux mots sur le tournant non humain. Qui est une sorte de présupposé de votre livre pour celles et ceux qui ne seraient pas très familiers avec, avec cela. Oui, alors le terme tournant non humain, c'est, ça ne vient pas de nous, c'est Richard Gerson, qui est un philosophe américain. Et en fait, disons que ça désigne cet ensemble de recherches, d'études, de pensées qui vont cesser de mettre le sujet humain traditionnel au centre du monde et de la pensée. Et ça consiste en tout un tas d'études assez variées en fait, qui vont de l'anthropologie de la nature, qui est incarnée notamment en France par Philippe Descola ou dans un autre genre Bruno Latour. C'est tout ce qu'on appelle le réalisme spéculatif, c'est un nouveau courant en philosophie qui cherche justement à casser un peu cette centralité du sujet philosophique qui serait le seul à pouvoir connaître le monde et être en relation avec le monde. C'est toute l'étude des sciences et des techniques, bon, c'est plutôt Latour encore une fois qui a creusé ça. Et en fait l'idée c'est, alors il y aurait plein d'autres éléments à citer, mais l'idée c'est vraiment de faire en sorte que dans chaque étude, les êtres non humains soient traités sur un pied d'égalité avec les êtres humains, et que du coup, on se débarrasse finalement de la dualité entre ce qu'on appelait le sujet et l'objet. C'est-à-dire, d'un côté, il y a ce sujet humain qui serait le seul à pouvoir rationaliser, connaître le monde et agir sur son monde. Et de l'autre, un monde fait d'objets qui, du coup, seraient uniquement des réceptacles de leur perception, de leur pensée symbolique, de leur volonté, de leur désir, de leur culture, de leur inconscient. Et toutes ces études autour du non-humain, finalement, elles ont consisté à placer, je sais pas, un scarabée, un arbre, un champignon au centre de l'étude. Et on va voir tout le monde qui se déroule autour et comment ces êtres non humains-là affectent et font faire des choses aux humains et obligent à certaines relations et modifient des économies et finalement finissent par rendre complètement obsolète le partage entre la nature et la société. Et ce tournant non humain, il a un sens écologique parce que il amène quelque chose de plus que toutes les philosophies de l'environnement qu'il y avait depuis les années 70, qui étaient uniquement sur un plan éthique de redonner une valeur intrinsèque à la nature. Là, c'est plutôt carrément dire, en fait, la nature, ça n'existe pas au sens traditionnel d'une totalité dont les humains feraient partie par leur corps, mais dont ils se sépareraient par leur esprit. Et cette nature, en fait, finalement, ce n'est que un ensemble d'hybrides, d'objets hybrides. Typiquement, les OGM, est-ce que c'est de la nature ? Non, c'est une sorte de bricolage hybride entre des technosciences et des formes vivantes, évolutives. Le climat, est-ce que c'est de la nature ? Non, c'est un produit des relations humaines, voire capitalistes, etc. Là, on pourrait allonger la liste comme ça. Et c'est le tournant non humain, en fait, il fleurit sur ce trouble un peu des catégories de la politique et de la philosophie, de l'anthropologie. On voulait particulièrement discuter de ce livre parce que Léna Ballot, qui l'a écrit, participe depuis longtemps au séminaire sur la division politique qui est organisé par Bernard Aspe et Patricia Adzaï et qui se tient en partie à La Parole Errante et dans le cadre du CIPH pendant plusieurs années ailleurs, mais maintenant un peu chaque mois à La Parole Errante depuis plusieurs années. Et au séminaire justement d'hier, Patricia Adzaï présentait une séance et on a ensuite beaucoup discuté de la politique et ses effets de simplification. Comment la politique rembête des fois dans sa façon de trancher ou de dire à l'essentiel, un peu dans la façon où effectivement des fois certains slogans par exemple vont dire « la police est le bras armé du capital » ou des façons un peu, qui ont été évoquées déjà un peu dans ce qu'on vient de dire, mais d'aller un peu vite et de se dire « oui, ok, bon, voilà, tout est capital » ou alors, et que certaines tournures pendant un temps c'était de rajouter « contre le capital et son monde, contre la police et son monde ». Son monde, c'était une solution un peu pour nommer que c'était aussi plein d'autres choses, mais hop, ça restait un peu sous le coude. Et ce livre est particulièrement important parce qu'il est très généreux. Et qu'en théorie politique comme en politique, il arrive souvent que les gens, pour se démarquer, vont très simple ou vont un peu critiquer toutes les autres théories pour les jeter en arrière. Et que le tournant non humain, effectivement, Descola, c'est 2005, entre nature et culture. La tour politique de la nature, c'est 2004. et que ça a mis du temps à pénétrer, mais pour beaucoup de personnes qui étaient impliquées dans les mouvements politiques, tout ça a été un grand bouleversement de découvrir toutes ces nouvelles attentions. Et que par exemple, si on pense au CPE en 2006, c'était ni CPE ni CDI, et maintenant on ajouterait peut-être plein d'autres dimensions, ni CPE, ni CDI, ni glyphosate ou d'autres choses. Et que si on regarde un livre comme Constellation, trajectoire du jeune 21e siècle, il est question de beaucoup de luttes contre l'aménagement urbain, mais il y a très peu le mot écologie, par exemple. Ou la perspective d'une guerre des écologies et de définir le capitalisme comme une certaine écologie contre laquelle il s'agit de lutter, qui est une des hypothèses fortes du livre. Et que ça nous a beaucoup, à plein d'égards, ça a diffusé de plein de façons. Et le livre pointe bien qu'en même temps, il y a une double insatisfaction qui est celle de ne pas être satisfait non plus, de se dire seulement qu'il faut faire attention aux arbres ou dans les façons dont élargir nos attentions sans les moyens de les mettre vraiment en œuvre ou d'avoir quelque chose qui les soutient, ça reste un peu insuffisant. Et qu'en plus, là où je trouve vraiment le livre généreux, c'est de garder justice aussi pour tout ce qui nous précède et de ne pas faire comme si l'histoire politique venait de nulle part ou que le mouvement communiste était complètement perdu et qu'il s'agissait simplement de tout déplacer. Et que c'est un truc qui est vraiment important que vous arrivez bien à faire, d'arriver à rendre justice à l'égalité qui nous précède et à toutes ces questions-là. Et que votre question, elle est partie beaucoup d'arriver à tenir ensemble ce qui vous a formé politiquement et ce qui, en même temps, exige d'être pensé à nouveau et que la solution de rajouter « et son monde » ne satisfait pas. Et j'ai l'impression que ça a bouleversé un peu depuis quelques années toutes les luttes politiques autour de nous. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, ce qui est en train de se passer et un mouvement duquel on participe avec ce livre, c'est un peu une mutation des cultures de lutte et des cultures politiques, où il s'agit justement pas seulement de parler du capitalisme et son monde, ou en quelque sorte des inégalités sociales et aussi des questions et des inégalités écologiques, des questions écologiques, mais de tenter de décloisonner les questions sociales où se situerait la politique prétendument, et les questions écologiques où se situeraient plus des questions techniques ou sensibles, et de voir comment ce décloisonnement il permet justement d'avoir une perception plus complexe de ce que c'est le monde dans lequel on vit et le monde dans lequel il y a bien des combats à mener, quoi. C'est pour ça qu'on essaie de redécrire le capitalisme comme une écologie, pas du tout au sens où le capitalisme serait écologiste, mais au sens où c'est une logique relationnelle, et donc c'est une manière d'agencer les relations entre les humains, mais aussi entre les humains et leur milieu, entre les différents vivants, etc. Une grande monoculture de soja, c'est finalement une écologie au sens où c'est un espace où ont été agencés sciemment l'uniformité génétique des plants de soja, l'éradication des autres plantes, le travail à horaire fixe des ouvriers qui vont y travailler, les va-et-vient des cargos pour amener le soja aux élevages de cochons en Bretagne, etc. Et ça permet de... On espère que ça peut permettre de renouveler une acuité de ce que c'est que cette situation d'injustice qu'on appelle capitalisme et son monde, quoi. Je me disais que peut-être une manière aussi de te transmettre la richesse du livre serait de parcourir de manière très diagonale les enjeux un peu dans l'ordre, comme il s'agit d'un livre extrêmement structuré, d'une grande clarté qui s'efforce de vraiment créer une sorte d'autre langue de la pensée en l'enrichissant de beaucoup d'exemples et de beaucoup des parties fictionnelles, etc. Je voudrais peut-être qu'on en revienne au livre lui-même, si vous êtes d'accord, et qu'on retrace le cheminement qu'il propose. Et pour compléter ce que disait Patricia, il y a comme un mouvement... dans le livre, au début, sur la question justement de sortir de certaines alternatives infernales, de certaines dichotomies, il y a toute une réflexion aussi sur plutôt la question consensus, composition. Enfin, il y a un mouvement théorique dans le livre qu'il est intéressant justement de souligner aussi. C'est un élément qui est plutôt au début du livre où on essaye de décrire, alors de manière généreuse, mais tout en étant critique, quoi, ce que nous propose ce qu'on appelle l'écologie compositionniste. C'est à ça que tu faisais allusion, j'imagine. Où il s'agit, alors c'est pour des auteurs comme Baptiste Morisot, Vinciane Després, Bruno Latour. C'est Bruno Latour notamment, je pense, qui crée ce mot de compositionnisme. Et. Avec cette idée que finalement, c'est la politique elle-même dont il faudrait sortir presque ou complètement chambouler, où la politique, ben non, c'est pas des rapports de classe, c'est pas des rapports de force, c'est pas des entités comme ça qui seraient déjà préconstruites entre d'un côté le capital, de l'autre le travail, comme on nous a appris à le penser. C'est en fait, la politique, c'est l'art de tisser ensemble des humains et des non-humains de manière toujours située localement et qui font territoire, quoi. Et que du coup, ça, on ne peut pas décrire des territoires a priori. Et du coup, il s'agit toujours de rentrer dans la description fine des relations, que ce soit pour l'économie, pour ce qu'on appelait culture, toutes ces choses-là. Et en fait, nous, ce qui nous semble un peu il y a une sorte d'apport au sens où finalement la politique se confond avec une écologie des relations. Et ça, c'est très intéressant parce que oui, du coup, ça repolitise presque intégralement toutes nos relations parce que tout réagit à ce qu'on propose, ce qu'on fait au monde. Les molécules de CO2 réagissent sur la température de l'atmosphère. Les plantes réagissent au glyphosate qu'on leur envoie dessus, etc., etc. Et donc il y a cette dimension à laquelle on est très sensible. C'est le mot anthropocène, c'est ce qui résume peut-être le mieux le programme de cette position compositionniste. C'est-à-dire on a mis la Terre dans un certain état qui n'est pas qui n'a plus rien de naturel au sens traditionnel, et que du coup maintenant, il s'agit de créer des espaces de dialogue entre humains et non-humains, quoi, avec des nouveaux dispositifs de représentation, ce que Latour appelle le Parlement des choses. Et finalement, pour nous, c'est là où elle est l'impasse, c'est-à-dire qu'on finit par confondre la politique avec la gestion d'un monde commun. Il n'y aurait plus qu'à finalement gérer des intérêts disparates, entremêlés, échevelés, comme dit Latour, il y a tout un vocabulaire comme ça, qui fait que... En fait, les forêts d'Amazonie doivent être représentées dans un parlement, mais aussi l'entreprise Total, McDonald's, etc. Et en fait, il faut créer des espaces où on se rend compte de la guerre qui se dessine. Et en même temps, en fait, tout est fait pour désactiver cet espace-là et la possibilité de transformation radicale qui pourrait en surgir. Parce que finalement... comment est-ce qu'on pourrait contraindre McDonald's ou Total à venir siéger dans un parlement des choses, comme dit Daltour, puisque leur fonction, leur but, leur désir même, c'est de ne pas faire attention pour pouvoir créer ce qui les fait vivre, le profit, la plus-value, la sur-valeur, quoi. Et donc, en fait, on essaye de masquer un espace égalitaire par une fiction d'égalité entre des acteurs qui seront jamais prêts à composer un monde commun. Et si on fait siéger les océans dans un parlement des choses, finalement, pourquoi les océans ne refuseraient pas finalement d'occuper cet espace? Et qui leur propose cet espace-là? Et qui a prise sur cet agenda-là? Et c'est pour ça, nous, on accueille comme une bonne nouvelle la politique comme écologie des relations, mais on essaye de ne pas la confondre avec une écologie des relations, justement, où il s'agirait juste de composer des arts de vivre les uns avec les autres. Et on essaye de remettre plus de la politique au sens marxiste, même de rancière, au sens la politique, non, c'est pas la gestion d'un monde commun, c'est le refus de composer avec un monde qu'on nous impose, quoi. Et je sais pas, Léna, tu veux peut-être compléter là-dessus? Oui, au sens où, quand je disais que le capitalisme, c'est une écologie, c'est une manière d'agencer les relations, en fait, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a bien un conflit de mondes, c'est-à-dire un conflit entre des écologies, entre des mondes, entre des manières de donner forme aux vies et aux relations. Et que, en fait, quand on voit cette dimension-là de conflit de mondes, on voit bien que c'est pas une assemblée... de négociation qui va résoudre ce conflit de monde, et qu'une écologie qui qui est complètement expansive et qui a toujours besoin de s'approprier plus d'espace et de capacité des vivants, etc., pour pouvoir simplement continuer à exister. Là, je désigne donc le monde de la logique capitaliste. Il peut juste pas cohabiter avec, avec d'autres, d'autres formes de vie, quoi. Donc, il y a bien un conflit inévacuable que effectivement, ces auteurs écologistes ou du tournant non humain s'efforcent perpétuellement d'évacuer. Et justement, il me semble, à la lecture du livre, qu'un des moyens de réintroduire quelque chose comme une irréconciliabilité entre des écologies, c'est aussi l'idée de mise au travail et d'extension de la mise au travail qui nous relie à une histoire du capitalisme, à une histoire de notions comme justement le travail. Est-ce que vous pouvez un peu préciser là-dessus comment se fait ce passage dans le livre ? Effectivement, dans le livre, on affirme que la nature est mise au travail. Alors ça peut paraître étrange. On s'appuie en fait sur des travaux de Jason Moore notamment, qui lui met en évidence que l'économie capitaliste ne fonctionne pas seulement en s'appuyant sur l'exploitation du travail humain, mais aussi nécessairement sur en fait toutes les conditions qu'il s'agit d'agencer pour que ce travail humain puisse être exploité. Et en fait, ça, c'est ce qu'il appelle l'appropriation. Et c'est une énorme part de l'effet que le régime capitaliste a en fait sur le monde et qui est invisible parce qu'il n'est pas pris en compte dans l'économie. Et donc, ces monocultures, ces effets de remplacement sur quelques centaines d'années de la faune sauvage par la même masse de faune, enfin de bétail sur l'échelle de la planète, toutes les dégradations écologiques qu'on sait, on peut le comprendre comme une mise au travail de la nature, une mise au travail des vivants et des milieux. C'est-à-dire que le capitalisme, pour générer de la survaleur, a besoin d'écosystèmes très simplifiés, de vivants mutilés, mais aussi de faire participer à ces écosystèmes du capitalisme un tas de vivants dont il s'approprie les capacités de manière gratuite. Que ce soit la capacité des végétaux à pousser dans des champs agricoles, mais aussi la capacité des rivières, des zones humides à dépolluer les eaux, par exemple, chargées de pesticides, etc., etc. Ou même nos capacités humaines à tolérer un monde toxique. Ce que tu dis là est illustré dans votre livre par un schéma qui est une sorte de pyramide, ouais, qui montre bien la part d'invisibilité et de gratuité nécessaire au capital pour sa régénération. Et dans ce dessin, on voit bien que c'est une partie... c'est quasi le tout en fait. La partie visibilisée et rémunérée du travail est une part minime du PIB. Je ne sais pas si vous voulez rentrer là-dedans, je signale juste qu'il y a aussi ce schéma qui est très parlant et qui met justement l'exploitation et l'appropriation gratuite des ressources naturelles un rapport avec le travail domestique, le travail non rémunéré, les secteurs informels, etc. Et juste pour dire qu'il y a une erreur dans le schéma, malheureusement, qui s'est glissée. En haut, c'est marqué « économie invisible non inclue dans le PIB », alors que justement, il faudrait mettre en haut de la pyramide l'économie visible calculée et inclue dans le PIB. Donc c'est dommage, c'était censé être une image qui simplifiait la compréhension de ce qu'on avait à dire, mais... Voilà. Mais oui, c'est une compréhension de l'économie en fait, qui vient des féministes, des écoféministes, notamment Maria Mies. Ça s'appelle l'iceberg des économies capitalistes et patriarcales. Et effectivement, le capital est tout en haut de cette pyramide. Et, Et en même temps, dans le même compartiment du dessin, il y a aussi le travail salarié. C'est pas pour les mettre sur un pied d'égalité en haut et comme quoi le travail salarié domine lui aussi tout le reste. C'est juste qu'il est pris dans ces relations qu'on appelle exploitation, que le marxisme appelle exploitation, qui sont des formes de à la fois de rétribution d'un travail reconnu comme tel, calculé dans le PIB, dans la croissance, etc., mais qui en même temps, enfin, sur lequel est ponctionnée une partie qui est volée, quoi, qui est celle qui est la plus-value, quoi, la survaleur. Et sous la ligne de flottaison, si on veut, de l'iceberg, il y a toute cette masse noire invisibilisée. Comme dans la physique où on parle d'énergie et de masse noire, quoi. C'est l'espace non pris en compte, ou incalculable, quoi, et qui finalement recoupe. Alors ce qu'on continue à appeler travail, un peu de manière stratégique, mais qui est vraiment ces puissances d'agir, ces puissances de soins, de capacité de faire commun, communauté, qui sont simultanément enrôlées pour ce qu'ils peuvent apporter au travail exploité et au capital, et en même temps dénié. Et c'est-à-dire que c'est cette double mobilisation déni qui est la logique propre de l'écologie de travail du capital. Et ça, cette analyse-là, on la reprend aussi à Val Plumwood, qui est aussi une écoféministe australienne très importante et dont le travail commence à être traduit en français aujourd'hui. Le livre cite beaucoup de personnes, justement, du tournant humain, d'écologistes, de pensée écoféministe, mais il fait vraiment le point sur les différentes perceptions, divisions, après avoir fait le point sur l'insistance sur le conflit des écologies, sur la planète mise au travail par le capital. Il précise un peu toutes les différentes options qu'il y a. Et là encore, il insiste aussi sur l'affect terrestre, qui est une manière de saisir de l'intérieur ce qui est arrivé au monde, qui permet aussi de garder cet ébranlement, cette incertitude sur qui agit, qui fait quoi, de garder un peu l'incertitude du tournant. Parce que par exemple, là encore, on pourrait trouver des solutions simples, politiques, qui seraient de dire, pour l'écologie, abattons le capitalisme, ou l'écologie, c'est le capitalisme vert, avec des trucs qui vont un peu vite, et qui ne saisissent pas forcément la complexité de ce à quoi on fait face. Et une manière aussi de le penser, je trouve, dans le livre, c'est par rapport à ce que vous présentez des trois natures, qu'on pourrait peut-être redéfinir, qui permettent un peu de voir la complexité et que ce n'est pas simple, cette attention exigée aux relations. Si on pouvait se redire quelles sont les trois natures. Enfin, tout d'abord, il faut dire pourquoi est-ce qu'on parle de première, deuxième, troisième nature. C'est pour, c'est une manière de ne pas dire que ce que fait le capitalisme ou l'économie à la société, à la nature, pardon, c'est une artificialisation. Et du coup, le capitalisme, ce serait une manière de nous sortir, de nous extraire absolument dans une espèce de sphère comme ça, où il n'y aurait plus que des relations entre humains, quoi. En fait, si on reste dans ce schéma-là, on continue à prolonger le dualisme dont il s'agit de sortir. Et du coup, première, deuxième, troisième nature, c'est pour décrire une historicité de la nature, une mise en histoire, ce qu'a fait le capitalisme de l'intérieur même de la nature, et ce que la nature a fait au capitalisme. Et la première nature, voilà, c'est pas la nature sans humain, mais c'est cet ensemble de relations pré-modernes, pré-capitalistes, où il s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de destruction, qu'il n'y a pas d'invasion, de disparition, d'extinction, etc. Mais c'est plutôt la nature telle qu'elle n'est pas encore réagencée pour et par le capital. La deuxième nature, c'est cette nature qui naît peut-être à partir de la colonisation, à partir du moment où Christophe Colomb et ses équipes débarquent dans ce qu'on a appelé le Nouveau Monde, et qui va commencer à cette seconde nature à ressembler de plus en plus à ce que le capital a envie d'en faire, c'est-à-dire un ensemble de champs linéaires, de plantations, petit à petit des villes qui s'installent autour, de plus en plus grandes, avec tout un réseau électrique, de barrages, tout ce qu'on peut imaginer qui va venir reconfigurer les écosystèmes, et souvent les mutiler, pour pouvoir cracher du profit. Et la troisième nature, finalement, c'est tout ce qui, dans cette seconde nature, va venir mettre en difficulté la volonté de disciplinarisation, de contrôle et de mise au travail. Et finalement, la troisième nature, alors c'est un mot qu'on reprend d'Anna Tsing, je pense que c'est la première à avoir forgé ce concept dans Le champignon de la fin du monde, qui est un emblème, ce livre du tournant non humain, quoi. Et la troisième nature, c'est vraiment pour elle tout ce qui parvient à survivre dans les ruines du capitalisme. Nous, on n'a pas envie d'en rajouter une couche sur ce truc de la fascination pour la ruine. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est plutôt de dire finalement, la troisième nature, c'est cette part sauvage du monde qui n'a pas été enrôlé, qui résiste à typiquement, enfin par exemple, c'est les mauvaises herbes, les super mauvaises herbes dans les champs de monoculture, c'est tous ces animaux qui vont se réinstaller soit en ville, soit dans des anciennes mines, qui vont recréer des écosystèmes, rediversifier des espaces, comment une plantation d'arbres va, en fait, si elle est laissée à elle-même. Cette forêt de plantation, elle ne va jamais maintenir sa monoculture en tant que telle. C'est-à-dire, jamais le vivant ne tend vers la monoculture. Le vivant, c'est un processus de variation intrinsèque. Et du coup, c'est ce avec quoi se bat le capitalisme, notamment. Quoi. La troisième nature, par exemple, c'est aussi les fouines qui s'installent à Montreuil et qui vivent parmi nous, malgré nous, dans les interstices d'un espace qui n'est pas fait pour elles. Et il me semble que donc dans cette indiscipline dont vous parlez résident des formes de résistance avec lesquelles votre livre insiste beaucoup sur la question de l'alliance. L'alliance avec les non-humains, est-ce que vous pourriez en dire plus ? Oui, donc, pour résumer un peu où on en est, on a vu que le capitalisme mettait au travail non seulement les humains, mais aussi les autres vivants, et que ça fait apparaître des causes communes, et en tout cas des mutilations des différents vivants. Et ça fait aussi apparaître la manière dont le capitalisme finalement dépend fortement, pas seulement de nous qui travaillons, mais de tous ces agencements vivants. Et effectivement, en fait, les espèces vivantes prises dans ces relations-là, en fait, elles sont pas inertes. Elles tendent vers des milieux et des relations qui leur sont plus vivables. Et c'est en ça qu'elles sont indisciplinées. C'est qu'en fait, elles ont leur propre ligne de préférence dans les situations. Et donc, on en arrive à des situations, effectivement, où les vivants ne font pas ce qu'ils sont censés faire, du point de vue des capitalistes. Par exemple, effectivement, on peut parler d'une plante qu'on peut croiser en ville, notamment dans les friches, sur les sols remaniés, un peu caillouteux, le long des chemins de fer, etc., qui est une belle plante assez grande, qui peut être plus grande que nous à partir de fin du printemps. Elle va être plus grande que nous, elle a des grandes feuilles en cœur, qui deviennent rouges à la fin de l'été. C'est la renouée du Japon. En fait, c'est une plante qui est un peu la terreur des écologues parce que c'est une plante invasive, c'est-à-dire qu'elle peut, quand elle se plaît dans un endroit, elle peut s'installer vraiment occuper tout l'espace et recouvrir les autres végétaux et donc en fait faire disparaître des populations de plantes qui sont protégées, qui sont rares, qui sont fragiles. Notamment le long des cours d'eau, dans les zones humides, elle peut faire vraiment du dégât. Donc c'est vraiment une indisciplinée, c'est vraiment un exemple de troisième nature. Et ce qui est intéressant avec cette plante, c'est justement quand on s'y intéresse de plus près et qu'on essaie de comprendre son histoire. Donc c'est la renouée du Japon, elle vient au départ du Japon, elle vivait au Japon. Elle a été ramenée en Europe plusieurs fois en fait au cours des siècles et plusieurs fois elle n'a pas réussi à s'installer en Europe. Et puis, ça fait quelques décennies, peut-être 100 ans maximum, qu'elle commence à devenir, à réapparaître dans nos écosystèmes et à même devenir invasive. C'est-à-dire, maintenant, elle se plaît tellement qu'elle commence à gêner les autres plantes, quoi. Et alors, comment ça se fait qu'une plante qui était tellement timide en nos contrées devienne maintenant une plante dérangeante tellement elle s'y plaît ? En fait, ça, on le comprend quand on étudie les écosystèmes qu'elle préfère habiter au Japon. Et en fait, c'est notamment des écosystèmes de pentes de volcans après des éruptions, où du coup, il n'y a presque pas de sol et il y a des roches très riches en métaux. Et en fait, ici, on se rend compte qu'elle se développe dans des sols remaniés, donc pas mal en ville, et dans des sols pollués, notamment aux métaux. Et c'est aussi pour ça qu'on la retrouve près des cours d'eau qui en fait... Transporte les pollutions. Et cette plainte, en fait, effectivement, on peut dire qu'elle a été une alliée dans une lutte donc, qui défend la forêt de Romainville. Donc, si vous êtes à Paris, en Ile-de-France, vous devez connaître. Donc, dans une ville de banlieue parisienne, il y avait une forêt très sauvage parce qu'en fait, elle a poussé sur une ancienne carrière. Et elle avait un tas d'usages, les habitants autour avaient un tas d'usages de cette forêt, usage un peu indéterminé, cette forêt devait être détruite pour un grand projet immobilier et de parc de loisirs. Et en fait, les habitants autour, ils voulaient défendre cette forêt, parce que justement, c'était un espace sauvage, un espace de verdure, un espace aussi... sans usage a priori, sans usage fixé a priori. Et en fait, les bulldozers ont commencé à détruire la forêt pour faire le projet d'aménagement. Et ce qui a arrêté les bulldozers, ça n'a pas été les militants qui n'ont pas réussi, ça a été la renouée du Japon. Parce qu'en fait, c'est une plante tellement invasive et qui peut tellement se répandre partout quand on la broie, en fait, il suffit de tout petit bout de végétaux de la renouée pour qu'elle se redéveloppe, qu'ils ont préféré ne pas toucher à la zone de forêt où il y avait de la renouée du Japon pour pas la répandre encore plus. Et finalement, cette plante, justement redoutable et ingérable par les logiques d'aménagement, a permis de sauver une partie de la forêt. Et l'autre truc qui est intéressant, c'est que je sais que dans cette lutte... que je connais peu parce que je ne suis pas du coin, mais dans cette lutte, ils ont fait une initiative qui s'appelle un Toxic Tour. Alors, c'est une pratique qui vient des luttes aux États-Unis de justice environnementale, donc des luttes souvent de communautés racisées qui luttent contre les injustices vraiment liées à leurs conditions de vie, quoi. Souvent, ils sont dans les lieux les plus pollués, l'eau la moins potable, etc. Et donc, le Toxic Tour, c'est un principe où on fait le tour du quartier et on rend visible toutes les sources de pollution et de mutilation au sens écologique, quoi, des conditions de vie. Au sens où souvent, en fait, il y a une inégalité invisible entre les classes, c'est que dans les quartiers populaires, justement, en fait, les quartiers populaires, on les met dans des zones polluées, etc. Et puis les quartiers plus riches, y a plein de beaux espaces verts, l'air est propre, il fait plus frais. Et donc, dans ce Toxic Tour, à Romainville, ils ont parlé d'un tas de choses de leur quartier. Ils ont parlé notamment de la renouée. Et ils n'en ont pas parlé seulement comme d'une plante invasive, indisciplinée, ingérable, mais ils en ont aussi parlé comme une plante qui indique une pollution invisible des sols, puisqu'en fait, c'est une plante qui, finalement, se développe plus facilement sur des sols pollués. Nous, on pourrait dire, je pense qu'ils ne l'ont pas dit, mais nous, on pourrait dire que c'est une plante alliée à la lutte, au sens où elle a indiqué un rapport de force politique, au sens où c'est un rapport de force entre des manières d'habiter la terre et entre, en tout cas, un rapport de pouvoir qui s'exerçait sur les vivants de ce quartier, quoi, les vivants humains et non humains. En même temps, la renouée, si elle s'étend trop, c'est vraiment une véritable plante invasive, et ça a aussi quelque chose d'éventuellement néfaste, qui peut être vraiment envahissant. Et que le livre précise bien comment faire pour prendre en considération la troisième nature, sachant que, par exemple, pour quelqu'un comme Andreas Malm, qui théorise beaucoup l'anthropocène, pour lui, la résistance de cette nature est aveugle et se produit au hasard, il ne faut pas compter dessus, quoi, presque. Il faudrait essayer de la limiter. Dans d'autres façons, des fois, on sait qu'on a beaucoup à faire aussi à ça aujourd'hui avec des espèces de protection de la nature qui mettent des animaux dans un parc et plus personne ne peut y accéder. Où il y a tous les enjeux de ce que ça veut dire exactement protéger la nature. Si, comme à la forêt de Romainville, protéger des parties, ça veut dire ne plus pouvoir y aller, ou de ce que ça vient couper. Et toutes ces questions de comment on arrive à s'allier avec tout ça et que être solidaire de quelque chose, c'est être dépendant de cette chose, mais aussi se tenir en solidarité avec cette chose qui n'est pas nous. Soutenir l'autre en tant qu'autre. Et le livre essaie de discuter très précisément ce que peut être une alliance au-delà du contrat de la coalition, s'appuyer sur ça, sans forcément ni compter dessus, parce qu'il peut y avoir aussi plein d'autres exemples de catastrophes écologiques qui se multiplient, et d'acteurs avec lesquels il faut qu'on apprenne à faire avec, sans compter dessus, et les capacités à assumer la responsabilité de leurs actions plus que l'intention à l'origine d'une action. Le livre discute beaucoup, dans la dernière partie surtout, comment précisément on doit penser ces alliances et espérer se faire le relais ou reprendre, sans parler non plus à leur place, les actions de la nature. Est-ce que vous voulez préciser peut-être cette notion d'alliance ? Alors, c'est une notion qui circule de plus en plus aujourd'hui depuis la pensée écologiste, qui est utilisée notamment par Baptiste Morisot, mais en un sens peut-être un peu différent de nous. On pourrait, pour simplifier les choses, dire que ce qui l'a intéressé avant tout, ce sont les alliances vitales au sens des interdépendances entre les différents vivants dont les humains font partie, et qu'il y a une alliance entre l'apiculteur, les plantes et les plantes à fleurs et les pollinisateurs, et que du coup, en fait, il s'agit de faire surgir des importances communes. C'est-à-dire ce qui importe dans le monde, finalement, pour ces différents vivants, en fait, se trouve à se recouper. Et en fait, ce qu'il s'agit de défendre, c'est l'alliance de tous ces êtres, tous ces acteurs-là, en tant que tels, quoi. Nous, on a envie de reprendre une définition un peu plus... Alors, à la base, peut-être un peu plus anthropocentrée de ce que c'est l'alliance, mais en tout cas pour la réinscrire dans un certain héritage politique. Alliance, ça ne vient pas de l'écologie en tant que telle, ça vient des luttes politiques. Et avoir des alliés, c'est avoir des complices dans une certaine situation de conflictualité, des complices avec lesquels il n'y a pas forcément de contrat explicite, mais plutôt un alignement... des actes qui finissent par composer un réseau d'actions qui se répondent les unes les autres. Par exemple, il y a une alliance pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Résistance, entre chrétiens et communistes. Les chrétiens et communistes, a priori, ils n'ont pas un monde commun à partager. D'un côté, il y a une certaine foi, certaines attentes, une certaine religion pour le coup, et un communisme qui est plutôt du côté de l'athéisme, en tout cas pour sa part la plus connue, quoi, marxiste. Et du coup, il y a néanmoins cette capacité, dans une situation d'adversité face à l'ennemi nazi, de faire alliance. Et c'est quoi, en fait ? C'est moins s'accorder sur l'horizon commun, qui serait le même, quoi, qu'on tendrait vers exactement le même but. C'est plutôt l'alliance, une capacité à reprendre les actes que l'autre a posés pour faire croître en fait le front de résistance, quoi. Et en fait, nous, on essaye de reprendre cette entente-là de l'alliance par les actes et de la transposer, de voir les effets que ça a quand on la met dans la question de l'écologie des relations. Et alors typiquement, l'exemple qu'on reprend souvent, c'est le plus clair, mais c'est celui des amarantes résistantes au glyphosate dans les champs d'OGM. Quand on fait comme les paysans en Argentine qui résistent à la monoculture soja, quand on fait des bombes à graines d'amarantes résistantes au glyphosate et qu'on les renvoie dans les champs d'OGM pour en saboter les rendements, il y a une forme d'alliance. Il n'y a pas de contrat entre l'amarante, qui n'est pas capable de passer des contrats en tant que tel, et les activistes, mais il y a bien un réseau d'actions où les uns et les autres amplifient mutuellement leur prise sur le monde. Et que du coup, typiquement, le lancer de bombes à graines, il est assez symbolique, parce que c'est effectivement relancer une capacité de nuisance que possède l'amarante résistante au glyphosate. Et simultanément, en fait, elle est aussi... cette plante-là, l'amarante, elle est bonne, pas pour tout le monde, elle n'est pas bonne pour Monsanto, mais elle est extrêmement intéressante pour les paysans argentins qui peuvent la manger, qui peuvent en fait réactiver aussi toute une culture qu'ils avaient de l'amarante avant la colonisation. Et finalement, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de dire que cette troisième nature incarnée par, alors non seulement l'amarante, mais aussi ces paysans qui résistent, en fait, ils constituent... une sorte de valeur négative pour le capital. C'est-à-dire, c'est en commun, c'est une forme d'obstacle à la multiplication de l'argent et toutes les prises de contrôle, de techniques, technoscientifiques que cela suppose. Et en fait, la troisième nature, ce n'est pas un grand sac qui serait intégralement de notre côté. C'est pour ça que la renouée du Japon, c'est un exemple intéressant, parce qu'elle est complètement ambivalente. Elle peut être tout à fait problématique pour une certaine biodiversité fragile, etc. Et elle n'est pas du tout envahissante, néanmoins, dans son pays d'origine, qui est le Japon. Et donc, on y a créé certaines conditions de remaniement de la nature pour que la renouée soit problématique ici. Et quand la amarante est envahissante dans les champs de soja, on a créé certaines conditions pour qu'elle soit problématique. Et donc, c'est pas des espèces en soi qui sont de la troisième nature ou qui sont résistantes ou qui sont du côté du capital. C'est toujours des agencements précis, particuliers, des alliances pour le coup. Et c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Tu voulais compléter par compléter ou faire un détour par un autre exemple aussi dans le livre, puisque comme disait Patricia au début, il y a une économie des exemples dans le livre aussi pour penser ces questions de résistance et d'alliance. Oui, justement, il y a une autre forme d'alliance qui me paraît intéressante, c'est des alliances qui se passent en ville, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup là de relations avec des végétaux, des animaux, avec des environnements agricoles, donc ça peut paraître un peu loin peut-être pour les personnes qui vivent en ville, mais en fait, il y a une forme d'alliance, je pense, plus répandue qu'on ne le croit dans les grandes villes, et notamment à San Francisco, il y a les guerrilla grafters, ceux qui pratiquent la guérilla de la greffe. Et en fait, c'est des personnes qui ont fait le constat qu'en ville, il y a quand même un peu de végétaux, il y a quand même des arbres, mais en fait, c'est des arbres qui sont sélectionnés pour être ornementaux et ne pas produire de fruits. Notamment parce que les fruits, ça tombe sur le trottoir, c'est sale, etc. Mais donc, ça crée finalement un espace de rareté, là où on pourrait organiser l'espace de la ville tout autrement. On pourrait très bien organiser des espaces où il y a une mise en commun de cette abondance. Et justement, en suivant ce principe, ils se sont mis à repérer les arbres qui sont greffables et à greffer sur ces arbres des rameaux d'arbres fruitiers. En fait, il suffit que ce soit la même espèce et deux variétés différentes, même la même famille, pour que ce soit possible de greffer des pommiers sur des pommiers ornementaux, des pruniers sur toutes sortes d'arbres de cette famille-là, etc. Et donc, ils pratiquent des greffes qui restent discrètes comme ça sur les arbres des rues, et petit à petit, leur visée, c'est donc de rendre à nouveau la ville comestible, c'est-à-dire riche en nourriture, et en nourriture qui est du coup, comme les arbres sont dans les rues, qui est d'emblée mise en commun. C'est une intelligence écologique d'autant plus fine qu'en fait, en ville, justement, il arrive quand même que les sols soient dégradés, pollués, etc. Et en fait, justement, c'est des personnes qui ont un peu étudié ces questions de greffe à Montreuil, justement, qui m'ont appris qu'il se trouve que les arbres, ils peuvent être affectés par la pollution, leurs organes peuvent pomper la pollution des sols, mais ils ne transmettent pas cette pollution aux fruits. Ils sont capables, les arbres sont capables de préserver leurs fruits de la pollution. Alors que si on cultive des radis ou des salades, en fait, si on mange les racines ou les feuilles, on risque d'avaler ces pollutions-là, quoi. Et donc, la culture de fruits en ville, c'est vraiment pertinent, de ce point de vue-là, d'un point de vue écologique et d'un point de vue de finalement se fabriquer une nourriture saine dans un espace qui n'est pas forcément totalement, quoi. On voit bien avec le Covid que ça devient un vrai enjeu politique, la répartition de l'habitabilité du monde, la répartition entre groupes humains, la répartition sociale de l'habitabilité du monde, quoi. Et que donc je trouve ce type d'action a vraiment une pertinence. Comme le rappelle le titre du livre, nous ne sommes pas seuls. Et s'il s'agit de toutes ces nouvelles attentions, d'arriver à leur donner de la force, effectivement, c'est tant en ville que dans la campagne. Et il y a de plus en plus de luttes sur Paris et ailleurs qui posent ces questions. Il y avait celle de la forêt de Romainville qu'on a évoquée. Il y a encore à Montreuil pas mal d'enjeux autour de la défense des murs à pêche et de qu'est-ce que c'est la dépollution des sols, quelle est la partie des murs à pêche qui va être patrimonialisée ou pas. Il y a encore beaucoup de luttes autour de ça. Il y a aussi un appel, depuis un mois, à des soulèvements de la terre qui appellent à une semaine d'action à Paris contre les chantiers de construction, un peu, ces grands projets qui continuent de bétonner, sachant que d'ailleurs il manque de sable pour le béton, etc., et qu'il y a plein de conséquences en cascade de tous ces grands projets. Il y a une semaine d'action. Il y a d'autres actions en Haute-Loire aussi, alors pas en ville, des soulèvements de la terre. Oui, ouais. Je suis habitant de Haute-Loire depuis pas si longtemps, et on a décidé de proposer de rallier une lutte qui se passe là-bas à la campagne des soulèvements de la terre. Et du coup, c'est une lutte contre un contournement routier. C'est le plus gros chantier routier de France en ce moment, sur une route nationale. C'est 226 millions d'euros pour 10 km de déviation. C'est 13 ouvrages d'art, dont un viaduc de 300 mètres. Et tout ça dans ce qu'on appelle le pays des sucs, donc qui est un paysage géologique assez particulier, enfin unique au monde, avec un seul autre endroit au monde où il y a de telles formations géologiques. Les sucs, c'est des petites montagnes volcaniques qui ne sont pas des volcans qui explosent, et c'est plutôt de la lave visqueuse qui s'est accumulée sur elle-même et qui fait des petites, des petites protubérances comme ça dans le paysage, et sur lesquelles il y a maintenant des chaos de basalte et des forêts qui ont poussé. Et donc c'est un paysage hyper intéressant, et c'est aussi une question de géodiversité finalement. On parle souvent de biodiversité, mais là en fait je me suis rendu compte, il y a une forme de géodiversité à préserver à cet endroit-là, qui va être complètement laminée par ce projet-là. Et c'est 140 hectares de terre qui sont... détruites, ou qui tentent d'être compensées ailleurs. Maintenant, il y a la logique de la compensation écologique. Je ne vais pas ouvrir ce dossier, mais qui est un peu une fausse piste, un enfumage, quoi. Et donc, il y a eu le week-end dernier un événement sur les soulèvements de la Terre. Et on a tenté une occupation qui a échoué, mais en tout cas, le collectif n'est pas mort. Et ce qui relie notre livre au soulèvement de la Terre, c'est que quelques semaines avant, en fait, on avait fait une action qu'on pourrait dire d'alliance interspécifique, où en fait on s'est réapproprié une des terres du tracé sur laquelle on a fait un semi-collectif. Et en fait, pour expliquer un peu la genèse de l'action, en fait, c'est un paysan qui... on a tout d'abord proposé de faire une transhumance avec son troupeau de brebis jusqu'au tracé, d'emmener les brebis sur place, un peu pour dire voilà quel monde on veut, quel monde paysan on veut qu'il aille avec notre lutte. Et en fait, on a fait une grande collecte de graines où on a récupéré du blé, du seigle, de l'avoine, mais aussi des plantes protégées, des espèces protégées qui vont être vraisemblablement détruites en partie par le tracé du projet. Et notamment la nielle des blés, qui est une plante messicole, qu'on appelle messicole parce qu'elle pousse dans les cultures de céréales d'hiver. Et c'est une plante qui a la particularité, en fait, les plantes messicoles sont des plantes qui suivent les agriculteurs depuis leur migration du Moyen-Orient jusqu'en Europe. Et c'est en général des assez belles fleurs. Donc les coquelicots, typiquement, c'est une messicole. Mais il y a aussi la nielle des blés. Nielle des blés, du coup, comme son nom l'indique, elle pousse toujours, quoi qu'on veuille faire, en fait, elle résiste, elle insiste, elle reste là dans les champs de blé. Et elle fait partie aujourd'hui d'une biodiversité qui a une certaine histoire, quoi. Et en fait, cette nielle des blés, on l'a récoltée, on a demandé à des paysans boulangers de les mettre de côté, parce que, en général, quand ils font leur récolte de blé, ils se retrouvent toujours avec de la nielle en trop, qui est une plante toxique en plus, et on ne peut pas la donner aux poules, donc c'est un peu galère à s'en débarrasser. Et donc, on a collecté comme ça, peut-être un million de graines de toutes sortes, pas que de la nielle, mais un peu de céréales et tout. Et on a fait ce semi-collectif sur des terres qui avaient été préparées, en geste à la fois de réappropriation, un peu symbolique, sur des terres déjà achetées par l'État. Et en fait, le troupeau de brebis qu'on avait amené sur place, en fait, il est passé après sur les terres fraîchement semées pour enfoncer avec leurs sabots qui fait juste la bonne taille, qui est mieux que les machines, pour enfoncer les sabots, enfoncer les graines dans la terre et les mettre en contact avec la terre pour les faire germer. Et donc, avec cette action-là, il y avait une tentative de mettre en avant finalement que on n'est pas les seuls à s'opposer, à vouloir tenir sur place et à vouloir occuper cet espace contre sa destruction. Et du coup, on a refait revenir des plantes protégées qui pourraient, alors on ne sait pas, en fait, c'est vraiment un truc, une réflexion en cours, c'est... Le fait de vouloir réintroduire des espèces protégées sur des espaces détruits, est-ce que ça fait vraiment obstacle juridique à des projets? Est-ce qu'on peut faire valoir ça devant un tribunal? C'est plein de questions. Et il y a une petite idée qui a germé pendant le dernier week-end là, sur les soulèvements de la Terre. C'est un naturaliste ornithologue qui nous a soufflé ça comme idée. Et finalement, c'est pour faire un trajet de route, notamment là, en fait, ils prennent en compte les surfaces détruites et ils essaient de compenser ailleurs. Et ce qui est compensé là, c'est selon une certaine étude qui a été menée par un bureau naturaliste qui a fait l'inventaire de toutes les espèces, espaces détruits qu'on peut essayer de compenser ailleurs, dans une certaine logique de substituabilité des espaces et des espèces les unes aux autres. Et en fait, là, ce que nous disait le naturaliste, il disait, en fait, d'une part, vous pourriez créer des mares sur le tracé, en fait, pour fausser les inventaires de base, c'est-à-dire faire des petits espaces de réensauvagement, d'accueil d'amphibiens, dans lesquels il pourrait bien se trouver aussi des espèces protégées qui n'étaient pas encore sur le tracé, qui n'ont pas été pris en compte. Et donc, en fait, on recrée, plutôt que d'introduire une espèce protégée, c'est l'alliance au sens de créer des conditions favorables, des conditions d'accueil. Et donc, la lutte, en fait, elle sert aussi à accueillir le plus de monde possible et aussi toutes ces espèces non humaines pour faire barrage. Et il y a l'autre idée aussi, c'est que dans la compensation écologique, les cultures, les champs ne sont pas compensés. Ce qui est détruit en culture n'est pas compensé ailleurs par une restitution d'autres cultures. Et là, le cas, c'était, voilà, il y a un champ de colza en bord de tracé, qui est sur le tracé, mais qui n'est pas pris en compte dans le projet. Et l'idée, ce serait, il disait, mais en fait, pourquoi ne pas s'accorder avec les paysans pour laisser s'enfricher ce champ de colza qui se réensauvage spontanément, c'est-à-dire on n'intervient pas, on laisse faire. Et de fait, ça va brouiller complètement les inventaires. Et une fois qu'un inventaire est brouillé et qu'on retrouve une nouvelle espèce, on est obligé de refaire un inventaire. Et du coup, c'est gagner du temps en même temps qu'on rediversifie certains écosystèmes. Peut-être qu'on peut finir sur cet exemple pratique. Et je ne sais pas si on s'était dit bonjour, mais on va se dire bien au revoir. Donc, en tout cas, merci Léna, Antoine. Merci à vous. Il y avait aussi Patricia et Adrien autour de la table. Et voilà... pour ce parcours sur le livre « Nous ne sommes pas seuls ». Au revoir.